Sosa. Ouais, 2002. Hey Sosa, ouais. 2002, l'année du pèse, la consécration. Mets-toi à l'aise, on tient le bise, négro. On envoie chier cette marmaille de lèche-botte. Et on file à l'anglaise, ce qui a coulé tout sur une île. C'est vrai. J'ai la rage qui crache la foudre. Et plein de merdeux qui me narrent. Et ce problème, je viens résoudre. Ah ouais. Je gratte, je t'en suis reconnaissant. Sur ton album, négro, sonne ma renaissance. C'est rien, on est ensemble, négro. La famille Brown est derrière, ça va brûler dans tous les sens. Retour d'un mort-né, tueur né. Même pas vérifier si j'étais mort, bande bornée. Faut être comme trophée pour orner mon tableau de chasse, corne gris. Quand je balave dans mon empreinte, c'est trop gros, trop chaud. En 2002, ça brûle dans tous les sens. C'est trop gros, trop chaud. Sur l'album de Pete, sonne ma renaissance. C'est trop gros, trop chaud. En 2002, ça brûle dans tous les sens. C'est trop gros, trop chaud. Sur l'album de Pete, sonne ma renaissance. Une carte à jouer, faut pas que je rate le coche. Rime dure, je décoche. Même si vive, j'écorche. Laisse-moi sonner les cloches. Je te sens fâché, enfoiré. C'est ça qu'il faut, faut fermer des gueules. Vas-y, prends le mic. Je viens lâcher la purée, j'en ai plein les couilles. Appelle-moi Glock, je vais lâcher les doux. Ça te choque de voir des dépouilles. Un tas de putes dans leur string mouille. Y'a quoi avoir la coupe, ma calibre, tout est dans le style. Damn! D'où tu sors ces rimes de salaud? De mon putain de crâne, les mots pèsent, ça vient du cœur. Ouais, tout est dans le style, pile poil à l'heure. La foule prend la crise, on a le monopole et on le dit. Je lis dans vos yeux la joie, ce mouvement fait revivre. Lâche-moi la grappe, donne-moi le mic, je l'abîme. C'est trop gros, trop chaud. En 2002, ça brûle dans tous les sens. C'est trop gros, trop chaud. Sur l'album de Pete, sonne ma renaissance. C'est trop gros, trop chaud. En 2002, ça brûle dans tous les sens. C'est trop gros, trop chaud. Sur l'album de Pete, sonne ma renaissance. Ce qui paraît des mecs attendent au tournant. C'est ce qu'on dit dans les blocs, ça va être glauque. Coup de pare-choc, c'est pas des blagues. Du gros son pour les sens sous 2002 sous bap. C'est poli, y'a des cadavres sur le boulevard. Paraît-il que dans la ville, des débiles veulent nous finir. Allez leur dire hein. Qu'en allumant la mèche, ils ne pourront pas l'éteindre. Un flot de barge, rime large, prendre à n'importe quel MC le large. Ouais, toujours aussi classe, un mec efficace dans les placements. Sauf ça avance lentement, mais sûrement, c'est ça. Avise la France qu'il y a des ovnis sur les ondes. Mon rap vise le monde. C'est trop gros, trop chaud. En 2002, ça brûle dans tous les sens. C'est trop gros, trop chaud. Sur l'album de Pete, sonne ma renaissance. C'est trop gros, trop chaud. En 2002, ça brûle dans tous les sens. C'est trop gros, trop chaud. Sur l'album de Pete, sonne ma renaissance.